L'épître de Paul aux Romains. Quelques allusions historiques disséminées dans cette épître nous permettent de situer les circonstances dans lesquelles l'apôtre Paul adressa ce message à l'église de Rome. Il l'écrivit de Corinthe au cours de son troisième voyage missionnaire. Bien que l'apôtre ne s'était encore jamais rendu dans la capitale de l'Empire, il avait à cœur les chrétiens de cette ville. Acte 18 mentionne un couple juif, Aquilas et Priscille, chassés de Rome sous l'empereur Claude. Réfugiés à Corinthe, ils s'y étaient liés avec l'apôtre et l'avaient ensuite accompagné jusqu'à Éphèse. Puis, les mesures antisémites impériales étant partiellement levées, Aquilas et Priscille retournèrent dans la capitale où ils réunirent l'église dans leur maison. Aussi, des liens spéciaux attachaient-ils l'apôtre à ses amis et, par eux, à tous les chrétiens de Rome. Lorsque l'apôtre adresse cette épître, il prévoit se rendre lui-même dans la ville impériale pour édifier les croyants avant d'aller en Espagne. Dieu en décidera autrement, puisque l'apôtre Paul ira à Rome non pas comme missionnaire, mais comme prisonnier de César. L'épître aux Romains est l'exposé le plus complet que les Écritures donnent de la doctrine du salut par la foi. Aussi est-elle particulièrement importante. Au siècle dernier, le théologien neuchâtelois Frédéric Godet écrivait « Il est probable que toute grande rénovation spirituelle dans l'Église se rattachera toujours à une intelligence plus profonde de l'Épître aux Romains. » L'on se souvient qu'au XVIe siècle, c'est en étudiant l'Épître aux Romains que Martin Luther découvrit le glorieux message de la justification par la foi. Cette découverte fut comme l'étincelle qui alluma un grand incendie, le feu brûlant de la réforme qui s'étendit à toute l'Europe et même au-delà. Sur le plan théologique, l'Épître aux Romains est un exposé magistral. Son langage y est très dense, et son message n'y est pas spécialement facile. Mais l'apôtre y présente, d'une manière extraordinairement riche, les vérités essentielles de notre salut éternel. Dès l'entrée en matière, il présente Jésus-Christ, déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Romains 1, 4. Puis il rend son propre témoignage. Je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Romains 1, 16. Mais pour que la puissance du salut s'expérimente dans une vie, il importe que l'homme soit conscient de son état de péché. Aussi, les premiers chapitres dépeignent-ils un tableau très sombre de l'homme naturel, livré à ses sens réprouvés, esclave de ses passions, accusé par sa conscience. Sa totale déchéance rend vaine ses bonnes résolutions et inutile ses efforts religieux. Romains chapitre 1 et 2. Au chapitre 3, l'apôtre cite le verdict absolu du psaume 14. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Il faut d'abord que l'homme se rende compte de sa véritable situation, sans espoir en dehors de Christ. Ensuite seulement appréciera-t-il l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie pour le sauver. Dès Romains 3, 21, l'apôtre présente la grâce de Dieu offerte à tous les hommes en vertu du prix infini payé par Christ à la croix du calvaire. Désormais, l'homme peut être réconcilié avec Dieu, être rendu juste par sa foi dans les seuls mérites de Christ et de son œuvre expiatoire. C'est ce que l'apôtre appelle la justification par la foi, et c'est là le thème central de l'épître. Au chapitre 4, il cite l'exemple d'Abraham qui fut justifié non par ses œuvres, mais par sa foi en la promesse. Or, aujourd'hui, le chrétien croit comme Abraham a cru. C'est dans ce sens qu'il est entré dans la postérité d'Abraham, appelé le père des croyants. Croire, c'est compter exclusivement sur l'œuvre entièrement suffisante de Jésus-Christ. et c'est s'appuyer sur les certitudes absolues de sa parole. C'est pourquoi, après avoir montré que Christ a non seulement été livré pour nos offenses, mais qu'il est ressuscité pour notre justification, Romains 4, 25, l'apôtre affirme « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Romains 5, 1. Paul établit ensuite un contraste. Adam, s'étant livré au péché, s'est rangé sous sa domination et la mort s'est étendue à toute la race humaine. Mais Jésus-Christ a triomphé du péché et de la mort et tous ceux qui croient en lui sont au bénéfice de cette victoire. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 5, 20 à 21. Aussi le croyant ne peut-il se complaire dans le péché et y demeurer. Au contraire, il s'identifie à la mort de Christ en renonçant à lui-même. Il s'identifie aussi à sa résurrection, découvrant en son Seigneur une nouvelle vie qui transformera son existence. Épître aux Romains, chapitre 6. Mais, si le croyant bénéficie d'une nouvelle relation avec son Seigneur, il est aussi conscient d'une grave lutte engagée avec sa vieille nature, cette nature humaine qui, malgré tout, demeure en lui. L'apôtre décrit la situation. « Je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. » Romains 7, 19 et 21. Cependant, si cette âpre lutte débouche sur un cri de détresse, « Misérable que je suis, qui me délivrera ?» L'apôtre communique le secret de la pleine libération. « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Romains 7, 25 à 8, 2. De façon progressive, la vie de l'esprit triomphe de la chair, la vie de l'esprit nous remplit d'espérance, tant et si bien que Romains 8 se termine en apothéose. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est l'hymne de la victoire. C'est comme si l'apôtre Paul était arrivé au sommet de la révélation et l'épître aurait pu s'achever là. Mais son auteur porte un lourd fardeau qu'il désire partager avec ses lecteurs. Il ne peut ni oublier, ni renier ses compatriotes, les Israélites, si loin de Christ, eux les premiers responsables de la crucifixion de son Seigneur. Romains chapitre 9. Paul éprouve pour eux une grande tristesse en constatant leurs vains efforts pour tenter de plaire à Dieu par leur propre justice et l'accomplissement des œuvres de la loi. Non, les capacités personnelles de l'homme ne peuvent rien pour le justifier devant Dieu, car « c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. » Romains 10, 10. En Romains 11, Paul montre que le peuple d'Israël est momentanément rejeté. Mais si les Juifs sont écartés pour un temps, c'est pour que nous ayons accès à la grâce de Dieu. Par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils, les Juifs, soient excités à la jalousie. Mais quel enrichissement pour le monde entier quand les Juifs seront réintégrés dans le plan du salut. Si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Les derniers chapitres de l'Épître sont consacrés à des exhortations pratiques. Les chrétiens de Rome sont appelés à consacrer leur vie à Dieu, à revêtir des sentiments modestes, à s'aimer les uns les autres, à rendre un témoignage digne de leur Seigneur, Romains 12, à être soumis aux autorités, à renoncer au mal, Romains 13, à rechercher ce qui contribue à la paix et à l'édification, Romains 14. Paul leur montre l'importance de l'Écriture où ils puiseront patience, persévérance et espérance. Puis, il exprime son désir de venir bientôt à Rome, Romains 15. Et enfin, il envoie un mot personnel à de nombreux croyants de l'Église. Romains 16. C'est une note profondément humaine qui montre l'affection que Paul portait à tous ses convertis subissant les persécutions du règne de Néron. Rien ne manque à cet exposé à la fois doctrinal et pratique qui conduit le croyant des profondeurs de déchéance de la nature humaine au sommet de la communion avec le Seigneur. Mais ce programme est aussi écrit pour vous. Le salut en Christ est une puissance pour vous, mais il importe qu'à votre tour, vous franchissiez les étapes proposées par l'Épître aux Romains. Découvrez d'abord votre culpabilité devant Dieu, votre péché, et, ne faut-il pas le dire à la suite de l'apôtre, votre déchéance loin de Dieu. Puisque tous ont péché, vous êtes aussi pécheurs. Mais la grâce du Seigneur vous est aussi offerte. Vous pouvez être justifiés par la foi en vertu de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, et alors ce mot de Romains 5, 1 deviendra votre certitude. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre n'a pas écrit « Nous pourrions avoir la paix avec Dieu moyennant telle ou telle condition ». Il n'a pas non plus dit « Un jour dans l'éternité, nous aurons la paix avec Dieu ». Mais il a utilisé le temps présent « Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ ». Dès que nous découvrons que Christ a été livré pour nos propres offenses et qu'il est ressuscité pour notre justification, dès que nous l'acceptons comme notre Sauveur, dès cet instant, nous sommes justifiés par la foi et nous avons la paix avec Dieu dans notre cœur. Une paix qui n'a rien d'irréel ou de factice. Une paix capable de nous garder dans l'adversité. Une paix qui nous remplira pendant toute notre vie et jusque dans l'éternité. Quelqu'un avait proposé à deux peintres d'illustrer la paix de Dieu. Le premier présenta une œuvre admirable, un paysage idyllique, paisible, comme il ne s'en trouve plus guère aujourd'hui. Un lac très calme, au milieu des collines, au premier plan, un troupeau de moutons gardés par leur berger, dans le fond, une chaumière, avec une petite fumée s'échappant de la cheminée. Le deuxième tableau était fort différent. On y voyait un torrent fougueux bondissant de rocher en rocher. À proximité de la cascade la plus tumultueuse, il y avait une branche d'arbre et sur cette branche, un oiseau qui chantait. Le jury donna préférence au deuxième chef-d'œuvre. Pourquoi ? Parce qu'il représentait la paix de Dieu avec beaucoup plus de réalisme. L'oiseau pouvait chanter tout près du torrent impétueux. Peut-être avez-vous déjà vu des chrétiens paisibles face à l'adversité, remplis de paix dans la maladie et peut-être même sur leur lit de mort. La paix de Dieu va au-delà de la compréhension humaine. Vous sentez-vous très proche du tourbillon d'un courant irrésistible prêt à vous engloutir? Si le Seigneur Jésus est entré dans votre vie, votre cœur peut demeurer en paix. Dans un monde en démence et dans la tempête des événements de la vie, la paix de Dieu peut garder votre cœur en Jésus-Christ et vous affirmerez avec l'apôtre « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu ».